Occupé de l'attente de revoir bientôt ma bonne maman, je fis un peu de trêve à mes chimères, et le bonheur réel qui m'attendait me dispensa d'en chercher dans mes visions. Non seulement je la retrouvais, mais je retrouvais près d'elle et par elle un état agréable, car elle marquait m'avoir trouvé une occupation qu'elle espérait qui me conviendrait et qui ne m'éloignerait pas d'elle. Je m'épuisais en conjectures pour deviner quelle pouvait être cette occupation. Il aurait fallu deviner en effet, pour rencontrer juste. J'avais suffisamment d'argent pour faire commodément la route. Mademoiselle du Châtelet voulut que je prisse un cheval. Je n'y pus consentir, et j'eus raison. J'aurais perdu le plaisir du dernier voyage pédestre que j'ai fait en ma vie, car je ne peux donner ce nom aux excursions que je faisais souvent à mon voisinage, tandis que je demeurais à moitié. C'est une chose bien singulière que mon imagination ne se montre jamais plus agréablement que quand mon état est le moins agréable, et qu'au contraire, elle est moins riante lorsque tout rit autour de moi. Ma mauvaise tête ne peut s'assujettir aux choses. Elle ne saurait embellir, elle veut créer. Les objets réels s'y peignent tout au plus tels qu'ils sont. Elle ne sait parer que les objets imaginaires. Si je veux peindre le printemps, il faut que je sois en hiver. Si je veux décrire un beau paysage, il faut que je sois dans des murs. J'ai dit 100 fois que si j'étais mis à la Bastille, j'y ferais le tableau de la liberté. Je ne voyais, en partant de Lyon, qu'un avenir agréable. J'étais aussi content, et j'avais tout lieu de l'être, que je l'étais peu quand je partis de Paris. Cependant, je n'eus point durant ce voyage ces rêveries délicieuses qui m'avaient suivi dans l'autre. J'avais le cœur serein, mais c'était tout. Je me rapprochais avec attendrissement de l'excellente amie que j'allais revoir. Je goûtais d'avance, mais sans ivresse, le plaisir de vivre auprès d'elle. Je m'y étais toujours attendu. C'était comme s'il ne m'était rien arrivé de nouveau. Je m'inquiétais de ce que j'allais faire, comme si cela eût été fort inquiétant. Mes idées étaient paisibles et douces, non, célestes et ravissantes. Tous les objets que je passais frappaient ma vue. Je donnais de l'attention au paysage. Je remarquais les arbres, les maisons, les ruisseaux. Je délibérais au croisé des chemins. J'avais peur de me perdre et je ne me perdais point. En un mot, je n'étais plus dans l'empyrée. J'étais tantôt où j'étais, tantôt où j'allais, jamais plus loin.